يعني كون لي سويفون دونك فو لي بروند كوم اكزومبل ان شاء الله. عن انس قال كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ مر رجل فقال رجل من القوم يا رسول الله اني لا احب هذا الرجل. قال هل اعلمته ذلك؟ قال لا. فقال قم فاعلمه. قال فقام اليه فقال يا هذا والله اني لا احبك في الله. قال احبك الله الذي احببتني له. والحديث اخرجه احمد وابو داود وغيره وحديث صحيح خرجه شيخنا يعني الالباني رحمه الله في الصحيحه. انس ادي j'étais assis chez le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'un homme passa, un homme parmi les gens dit ô messager d'Allah, j'aime cet homme. Il dit de lui as-tu fait savoir? Il dit non. Il dit lève-toi et fais-lui savoir. Fais-le-lui savoir. Il dit il se leva vers lui et dit ô toi, par Allah je t'aime en Allah. Il dit que celui pour qui tu m'as aimé t'aime. Et c'est un hadith rapporté par Ahmed et Abu Dawood et d'autres, et authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah dans Silsilat al-Hadith Sahiha. C'est un hadith avec le numéro 418. On va terminer là-dessus. Wallahu alam wa subhanaka wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.